Chapitre 2e, l'épreuve décisive. Un des médecins que le comte de Saint-Rion avait amené avant son départ pour l'Amérique examina Madeleine, étudia sa folie et déclara « Pour guérir cette jeune femme, il faudrait un miracle. » Un miracle extrêmement simple, cependant. C'est par le cœur que son cerveau a été frappé. C'est par le cœur que son cerveau guérira. C'est le cœur qui rattachera son âme vagabonde. Ce miracle, il faut uniquement l'attendre de cette force merveilleuse, de ce Dieu tout-puissant, l'amour. Ce médecin vit ces paroles accueillies par de grands gestes, des phrases enflammées, des déclarations vibrantes du comte de Saint-Rion. « Oui » s'écria-t-il. « Oui, docteur, vous avez raison. C'est en croyant son amour détruit que ma pauvre Madeleine a perdu l'esprit, que sa raison s'est envolée. C'est donc à force d'amour que je saurai faire revenir son âme. » Mais cette magnifique tirade, digne en vérité des planches et méritant le petit trémolo qui souligne les passages pathétiques, devait demeurer sans effet. Cette entrevue, déjà lointaine, était restée présente à la mémoire de tous ceux qui y assistèrent. Le comte, ou Cloutot, ou Zigomar, comme vous voudrez, essayait de faire vibrer en Madeleine la fibre sentimentale, d'évoquer le passé d'amour, de toucher son cœur, d'éveiller son âme. Madeleine ne l'écoutait pas. Madeleine le fuyait, avait comme peur de lui, et allait chercher un refuge auprès de Jacques Dalmet. Ah, celui-là, ce brave, ce bon, cet honnête garçon, savait, lui, en parlant seulement de choses ordinaires, en répondant aux questions enfantines de la jeune femme, il savait fixer son attention, retenir son esprit, l'intéresser. Pour cela, aucun stratagème, aucun moyen secret, aucune ruse, rien. Jacques parlait loyalement, simplement. Mais il suffisait qu'il parlât. Madeleine écoutait, d'abord attentive, puis charmée et ravie. Le docteur Lobel, le médecin de Mantes qui soignait le père Porfilet, que la vieille mère Porfilet appelait, souvent ramenait, autant comme ami, maintenant que comme médecin, et cherchait à pousser l'expérience plus loin que n'avaient pu le faire ses confrères parisiens, dans la seule entrevue provoquée par le comte de Saint-Rion. Il étudiait, lui, de son côté, ce phénomène passionnant, et il en parla au juge d'instruction, M. Duranton, qui, avec son jeune cousin, vint aussi se rendre compte de la situation. Jacques s'asseyait à l'ombre dans le jardin, ou sur le rebord d'un sentier dans les bois. Madeleine se mettait près de lui et doucement caressait le petit Fernand, comme elle faisait à Paulette. Pour amuser son neveu, qui s'enflammait héroïquement au récit d'expéditions lointaines, le sergent racontait quelques épisodes de sa vie aux colonies. Il semblait que pour auditeur, il eut deux enfants. Madeleine et Fernand l'écoutaient avec la même attention, frémissaient au moment du danger et riaient en applaudissant quand on avait joué quelques bons tours aux Chinois. Le docteur Lobel demanda un jour au sergent de raconter une histoire, longue autant que possible, qu'elle dura plus d'une heure. Le docteur, le bon M. Duranton et maître Thirion se tinrent donc ce jour-là non loin du lieu choisi par le sergent et ses auditeurs. Ils écoutaient aussi, suivaient tous les mouvements de la jeune femme, ses jeux de physionomie. « Souvent, dit le médecin, les fous semblent suivre avec attention celui qui leur parle. Ils donnent l'impression qu'ils comprennent. Mais leur cerveau est occupé par autre chose. D'ailleurs, leur attention ne peut être fixée que quelques minutes. Ils écoutent sans entendre, puis ils partent sur n'importe quelle pensée qui surgit dans leur cerveau malade. « Ainsi donc, demanda le jeune avocat, si Madame Madeleine écoute avec attention le récit que lui fait Jacques Dalmet, vous en conclurez que son esprit n'est pas flottant, en un mot, qu'elle n'est pas folle. Ouh là là ! S'écria le docteur, n'exagérons pas, n'allons pas si loin encore. Je veux dire que si la malade peut retenir son attention pendant quelque temps, un quart d'heure peut-être, une demi-heure, j'espère que lentement, avec le temps, elle arrivera à guérir. Guérir ? Madeleine ne serait plus folle. Je l'espère. Mais ne disons rien avant l'épreuve. Elle fut concluante, l'épreuve, décisive, ce jour-là. Non seulement Madeleine écouta le sergent avec autant d'attention, plus même que le petit Fernand, mais encore, au cours du récit, elle posa à Jacques quelques questions qui montraient qu'elle suivait le narrateur, qu'elle le comprenait et qu'elle voulait se renseigner davantage. Le récit de Jacques dura cependant plus d'une heure. Pas une seconde, Madeleine ne se montra distraite, inattentive ou lasse. Quand le docteur jugea l'épreuve suffisante, craignant qu'une trop longue tension d'esprit ne fût fatigante et ne causât un surmenage inutile à la malade, il entraîna le jeune avocat et se montra, coupant le récit. « Oh, docteur, fit Madeleine, je ne vous fais pas de reproche d'être venu, vous non plus, maître Thirion, mais Jacques nous racontait des choses fort intéressantes. »« Vraiment, s'écria le docteur, et quelles choses si intéressantes ?» C'était une seconde épreuve qui confirmera la première. Madeleine y satisfit encore amplement. Elle résuma en quelques phrases très claires ce que venait de raconter le sergent. « Allons, dit le docteur ravi, tout y est. Attention, mémoire, enchaînement des idées. » Et il crut pouvoir dire, peu après au juge d'instruction et au jeune avocat en lui demandant le secret, « Je peux vous affirmer que Madeleine guérira. » Il fut convenu qu'on ne dirait rien aux habitants des Ravenel pour ne pas donner un faux espoir à ces braves gens, mais de crainte aussi qu'impatient, désireux de pousser à la guérison, ne sachant pas quelles précautions multiples étaient à observer, ils ne compromissent la marche lente de la guérison. Aussi Jacques, peu après, dut-il partir, ne sachant pas quel bon espoir concevait le docteur, le juge M. Duranton et son ami le jeune avocat. D'ailleurs, il fallait les yeux du docteur pour s'apercevoir de l'amélioration de l'état de la malade, sa science pour en saisir la marche, le progrès. Madeleine, après le départ de son ami Jacques, cueillit encore des fleurs pour le retour du sergent. Elle l'attendait, sans avoir la notion du temps, mais sans cependant manifester d'impatience nerveuse et maladive. Souvent, elle répétait à Fernand quelques traits qui, dans les récits du sergent, les avaient tous deux plus particulièrement frappés. Le jeune avocat voulut, de son côté, faire une petite expérience. Un jour, il vint au Ravenel voir ses amis et il apporta, comme par mégarde, un livre, un roman, et il le laissa à Madeleine. « Je le lirai, » fit la malade. Quand maître Thirion revint, à quelque temps de là, Madeleine avait lu le livre et elle put en dire le contenu. Elle demanda d'autres livres. Le docteur Lobel, à qui l'avocat avait rapporté le fait, s'exclama. « Ah non, elle n'est plus folle. » « Plus folle ? Non. Seulement son esprit n'est pas encore suffisamment fixe pour dire qu'elle a recouvré toute sa raison. Mais je puis déclarer déjà, affirmer, que nous marchons vers la guérison absolue. » Alors maître Thirion s'écria, « Dans ce cas, nous marchons vers un nouveau malheur. » M. Duranton et le docteur Lobel regardèrent avec étonnement le jeune avocat. « Comment vers un nouveau malheur ? Oui, car si Madeleine n'est plus folle, le comte de Saint-Rion va pouvoir l'épouser. » Le docteur Lobel et M. Duranton poussèrent en même temps le même cri. « Jamais, jamais, nous ne permettrions ce crime. » L'avocat partit d'un long éclat de rire. « Bravo, bravo, c'est ce que je voulais vous faire dire. » « Mes confrères et moi, dit le docteur Lobel, nous ne reconnaîtrons jamais Madeleine assez saine d'esprit pour qu'elle puisse contracter mariage avec le comte de Saint-Rion. » Il insista. « Avec celui que nous connaissons du moins, avec ce gredin. » Et le juge, renchérissant, déclara, « Quant à moi, s'il insiste, s'il use de moyens quelconques pour amener Madeleine à l'épouser, je ferai ouvrir à nouveau l'instruction du crime de la tilleuse et lancer un mandat d'arrêt contre le comte de Saint-Rion. Nous verrons bien ce qui arrivera. Et si un chenapan pareil pourra plus longtemps se moquer de la faculté de la justice. » Le jeune avocat serre alors la main à ses deux braves amis et dit « Me voilà tranquille. Madeleine peut guérir. Elle ne sera pas la femme de ce misérable. » Puis il ajouta « Savez-vous la commission dont elle m'a chargé à Paris ? Non. De lui faire envoyer au Ravenel un piano. Un piano ? Il paraît qu'elle était autrefois assez bonne musicienne. Elle t'a demandé. Après la lecture, elle s'est aperçue qu'il lui manquait quelque chose. Elle a eu le souvenir de la musique, de son piano. Parfait, bravo. À la tilleuse, elle en avait un, qui a disparu avec le reste. Elle l'a cherché au Ravenel. Et notez ceci, c'est grave, très caractéristique. Madeleine, ayant cherché son piano, et naturellement ne le trouvant pas, a dit au père d'Almay, c'est lui qui me l'a rapporté, « J'ai tort de chercher mon piano ici. Il ne peut s'y trouver, puisqu'il était à la tilleuse et que la tilleuse n'est plus. » « Vraiment, elle a dit cela ? » fit le docteur. « Elle a dit cela ?»« Exactement. » Les d'Almay en étaient tout saisis. Il y avait de quoi, en effet. Mais alors, si la nature des lieux, des êtres lui revient, si elle distingue à présent les Ravenel de la tilleuse, c'est que le souvenir commence à renaître chez elle, c'est que nous marchons très rapidement vers la guérison. Vraiment, l'état de Madeleine faisait de grands progrès. Jacques était parti depuis 2 ans bientôt que le père Porphylet s'éteignit. Ce fut encore l'occasion d'une forte alarme au Ravenel. On craignait beaucoup que Madeleine éprouvât un douloureux contre-coup en apprenant cette mort. Certes, elle ressentit un énorme chagrin, une peine violente. son refrain d'autrefois, maintenant, depuis le départ de Jacques, un peu oublié, lui revint aux lèvres. « Il dort lui aussi, » dit-elle devant le lit du mort. « Il dort comme s'est endormi Armand. Lui aussi, il dort. Il dort. » Au cimetière, elle jeta, comme tout le monde, l'eau bénite sur la fosse, où, pour toujours, allait dormir le brave homme à côté des siens. « Dors, » fit-elle, « dors. » Puis, après s'être agenouillée un moment, après avoir caché sa tête dans ses mains, elle se laissa emmener par les Dalmais. Ils passaient devant tous les gens du pays, accourus pour rendre les derniers devoirs au père Porfilet. Elle passa, silencieuse et dolente, tout à sa douleur. Les gens la regardaient curieusement anxieux. « On ne dirait pas qu'elle est folle, » disait-il tout bas. Maintenant elle distinguait, elle reconnaissait ceux qui l'entouraient. Elle ne les appelait plus grand-père Porfilet, mais leur donnait leur nom. Pourtant, au père de Jacques, à sa mère, elle disait encore « mon père, ma mère ». Mais Charles et Ernestine, elle les appelait par leur nom. Avec le père Porfilet, il sembla que tout ce qui se rattachait à la tilleuse fût enseveli, enterré. Madeleine parut commencer une nouvelle vie au Rabenel. Un vide demeurait cependant non comblé dans son cerveau. Elle ne savait ce qui était arrivé à la tilleuse, elle ne le comprenait pas. Pourquoi n'était-elle plus à la ferme du père Porfilet et se trouvait-elle là? Elle ne le saisissait pas. Dans ce brouillard, elle voyait sur un lit le corps du comte de Saint-Rion, qui dormait. Sur un autre lit, le corps du père Porfilet, qui dormait. « Ils dorment, » disait-elle, « ils dorment. » On se garda bien, naturellement, de lui indiquer la fosse où l'on avait déposé les quelques ossements recueillis dans les décombres de la tilleuse. Quand elle venait au cimetière le dimanche porter des fleurs sur la tombe du père Porfilet, elle murmurait « Dors, dors, Armand aussi dors. » Et c'était tout. Jamais elle ne posait une seule question, ne voulut savoir autre chose. Le temps passa. Après les livres que procura Madeleine non seulement le jeune avocat, mais M. Duranton lui-même et le docteur Lobel, le piano arriva au Rabenel. À la réception de l'instrument, le docteur, son ami M. Duranton et le jeune avocat voulurent être présents. Madeleine ouvrit aussitôt l'instrument. Depuis de longues années, elle n'avait pas touché un piano, pas fait une note de musique. On était en droit de s'attendre à un bafouillage, au tapage que ferait un insensé sur un clavier, en posant ses doigts au hasard, tapant et croyant jouer quelque chose en faisant du bruit. Point. Les doigts de Madeleine manquaient évidemment d'exercice, de souplesse, mais ils ne vagabondèrent pas et ne frappèrent pas à tort et à travers. La démente joua très doucement un morceau, puis un autre. Elle prit un des morceaux de musique qu'avait joué au piano le jeune avocat qui pensait à tout et le déchiffra. Les Dalmais écoutaient surpris et enchantés, ne comprenant peut-être pas toute l'importance de cette épreuve spéciale. Fernand, lui, accroché au piano, regardait, charmé et ébahi, sa maman Madeleine faire de la si belle musique. Mais dans un coin de la salle, le docteur, M. Duranton et le jeune avocat employaient toute leur énergie pour ne pas crier à la guérison complète, à la guérison totale, définitive, de la jeune femme. Maintenant, Madeleine passait devant son piano de longues heures. Elle jouait à la mère d'Almet, au vieillard, à Ernestine, les airs qu'ils aimaient, des refrains de villageois, des morceaux qu'ils entendaient parfois à Mantes. Madeleine ensuite donna des leçons à Fernand. Elle lui apprit ses notes avec une patience, une douceur, qu'on eût demandé en vain au meilleur professeur. Les Dalmais, stupéfaits, commençaient aussi à se rendre compte de la guérison. « Non, disait le vieux, si elle était folle, vraiment, elle ne pourrait pas faire cela. Elle agit, pense, parle comme la personne la plus sensée, comme une femme absolument raisonnable, comme quelqu'un qui n'a jamais été frappé aussi cruellement qu'elle le fut, hélas. » Et cette constatation lui causa la plus grande angoisse. La vieille mère d'Almet, pensant à son fils, disait « Mon pauvre gars a aimé la fée d'amour. » La fée d'amour aimait mon pauvre gars. Mon petit, lui, aimera toujours celle qui fut la fée. Mais la fée d'amour, quand elle ne sera plus fée, aimera-t-elle toujours mon petit? C'était une angoisse nouvelle pour la pauvre mère. Mais rien ne disait que les craintes de la bonne vieille dussent se réaliser. Le jeune avocat Thirion s'était pris d'amitié pour le sergent Dalmet, si bon, si brave, si simple. Il l'aimait autant qu'il haïssait le revenant d'Amérique. Et Jacques, sans le savoir, avait en lui le plus précieux protecteur de son amour. Maître Thirion ne voulait pas laisser s'endormir chez Madeleine le souvenir du sergent. Sous prétexte de donner aux Dalmais des nouvelles des exploits du bataillon de leur fils, il apportait au Ravenel tous les journaux qui parlaient du pays où Jacques se trouvait. Il apportait des photographies. Madeleine les regardait longuement. Elle ne se contentait pas de lire les journaux pour elle seule, elle en faisait la lecture aux Dalmais. Elle questionnait en outre Maître Thirion. « Parlez-moi encore de Jacques, lui disait-elle, parlez-moi de mon ami Jacques. » Le jeune avocat était devenu un ami aussi pour Madeleine, un camarade, un confident. Avec lui, longuement, elle pouvait parler de l'absent. Ainsi, l'entretenait dans l'esprit, dans le cœur de la démente, le souvenir, l'amour de Jacques, pour le jour où Madeleine ne serait vraiment plus folle et aurait conscience absolue de son amour qui avait fait le miracle, demandé par les docteurs, de fixer son âme. Ce fut grande fête au Ravenel quand on célébra l'épaulette du lieutenant Jacques Dalmais. Le juge du Ranton ne crut pas pouvoir assister au repas que donna le père du lieutenant. Il ne voulait pas que plus tard on l'accusât de partialité. Si de nouveau, comme il l'espérait, une affaire s'engageait dans laquelle seraient intéressés non seulement les Dalmais, mais Madeleine. Il tenait à voir les coups des Franches. Monsieur du Ranton ne voulait pas s'écarter d'une ligne de sa réserve de magistrat. Mais il envoya un mot de félicitations aux Dalmais, avec, chose énorme, les compliments de Madame Duranton. Quant à Maître Thirion, qui n'était pas retenu par les mêmes motifs, il assista avec le docteur Lobel à la fête et prit sincèrement part à la joie de ces braves gens. Au dessert, Madeleine ménagea une surprise, la plus forte qu'elle eût encore causée. Les coupes de champagne avaient circulé, la gaieté était générale. Madeleine rayonnait de bonheur, il lui sembla vraiment qu'une part de cette fête était pour elle. Elle se trouvait entre le père Dalmais et Maître Thirion. Tout à coup, elle se pencha vers le vieux paysan et attirant vers elle l'avocat pour qu'il entendît ce qu'elle allait dire. « Mon père, » dit-elle au vieillard, « je voudrais aller à Paris. » Le père Dalmais et Maître Thirion sursautèrent. « À Paris ? » s'écrièrent-ils. « Vous voulez aller à Paris ? » ?»« Oui, je voudrais acheter les épaulettes de Jacques et les lui envoyer de votre part. Je crois que cela lui serait agréable. » Le vieux paysan, ému aux larmes, prit vivement la tête de Madeleine et l'embrassa tendrement. « Ah, ma fille, s'écria-t-il, tu n'es pas seulement une fée comme le croit la mère. Tu es une sainte, tu es un ange, tu es notre bon ange. » Le voyage à Paris fut convenu, la date fixée à quelques jours de là. Maître Thirion s'offrit pour guider Madeleine, la piloter dans la capitale. Ce fut le frère de Jacques, l'aîné, qui conduirait Madeleine. Le petit Fernand serait tout naturellement du voyage qui devait durer 2 ou 3 jours. Le docteur Lobel les accompagnerait. Il n'était pas fâché, le bon docteur, d'avoir une occasion d'aller à Paris. D'ailleurs, il profiterait de ce voyage pour voir les médecins spécialistes qui avaient, sur la demande du comte de Saint-Rion, examiné la jeune femme. Il tenait à leur faire part de ses observations et à leur demander leur avis sur les faits nouveaux. Pendant ce séjour à Paris, Madeleine devait causer encore bien des surprises à ceux qui l'accompagnaient. Comme bien avant de la nuit, ou plutôt tout proche du matin, l'avocat et le médecin regagnaient Mantes en voiture et parlaient de tous ces événements, de Jacques, de Madeleine. Tout à coup, le cheval du docteur, bonne bête cependant, point ombrageuse, fit un brusque écart de frayeur. La voiture arrivait au calvaire tragique. Ce qui avait effrayé le cheval, c'était une ombre. Un homme qui, assis sur les marches de pierre du calvaire, venait tout à coup de se lever et se portait au devant de la voiture. « N'ayez pas peur, monsieur Lebel, ni vous non plus, monsieur Thirion, ce n'est que moi. » Les deux amis poussèrent en même temps un cri d'étonnement. « Le père Gervais !»« Lui-même, oui, c'est bien moi. » Le cheval s'était calmé. Le vieux braconnier, tout en boitant, il s'appuyait seulement sur une grosse canne maintenant, s'approcha de la voiture. « J'ai bien l'honneur de vous saluer, messieurs, » dit-il en ôtant sa casquette de drap. Le docteur et l'avocat lui tendirent les mains. « Ah, père Gervais, nous sommes bien contents de vous revoir. »« Moi aussi, messieurs, moi aussi. Quand ce ne sera que pour vous remercier encore, vous, docteur, de votre déclaration au juge concernant mon mouchoir jaune qui pensa en premier le blesser, l'empêcha de mourir tout de suite. Vous, mon bon défenseur, d'avoir su m'arracher à l'infamie. Nous n'avons eu qu'à dire la vérité. Dire la vérité n'est rien, messieurs. La faire admettre, c'est tout. Vous y êtes parvenus. Merci encore. » « Ah ça !» fit Maître Thirion. « Comment se fait-il qu'on ne vous ait plus vu ? que je n'ai plus eu, moi, de vos nouvelles. » Le vieux braconnier secoua la tête sans répondre. « Cependant, reprit maître Thirion, nous avions projeté de chasser ensemble, de courir les bois. » « Oui, je ne l'ai pas oublié, monsieur l'avocat. Je m'en souviens bien. Mais c'est fini pour moi, la chasse. Le braconnage, fini. Voyez pourquoi. » Et le père Gervais montra sa grosse canne. « Alors, que faites-vous maintenant ?»« Je vais lentement devant moi, toujours à travers champs, toujours sous les bois. Je sais faire tant de choses que je trouve à m'employer de ci, de là, au hasard du chemin. Et je vis petit. Petit, mais sans rien devoir à personne. Je vais ainsi, en boitant. J'irai jusqu'au jour où, comme le vieux renard, on me trouvera arrêté pour toujours, au fond de quelque trou, dans un bois. » Puis, après un court silence, le père Gervais reprit. « C'était fait donc ce soir chez le père Dalmet. Oui, on fêtait l'épaulette de Jacques. Ah, tant mieux, je suis content. Tant mieux, qu'il y ait du bonheur dans cette maison de braves gens. Jacques, lui, c'est un bon et digne garçon. Je suis content pour lui. » Alors il tira sa casquette. « Je vous ai attendu là pour vous dire bonjour et vous remercier encore de ce que vous avez fait pour moi. Maintenant que je vous ai vu, je vous souhaite bon voyage. » Les deux voyageurs le retinrent. « Père Gervais, attendez, attendez !» Maître Thirion alors lui dit. « Voyons, père Gervais, nous sommes assez amis pour que je vous dise cela, sans vous fâcher. Voulez-vous me permettre ?» Le vieux braconnier lui coupa la parole. « Merci, monsieur l'avocat, grand merci. Vous vouliez m'offrir de l'argent ? Non, merci. Je ne veux pas de l'aumône. Je suis devenu cheminot, mais je gagne encore ma vie. Laissez-moi, sans vous fâcher à votre tour, refuser votre argent. » Cependant, entre nous, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas une aumône, c'est un ami, en compagnon de chasse. Le vieux secoua la tête. Je le sais. Aussi, voyez, je vous demande un ami, en compagnon de chasse, comme là-bas sur le banc de l'hôpital. Je vous demande un peu de tabac pour ma pipe. Maître Thirion et le docteur mirent dans la blague du braconnier tout le tabac qu'ils avaient sur eux. « Ah, voilà qui me fait plaisir. Merci encore, messieurs. » « Vous savez, père Gervais, dit le docteur, que la maison du docteur Lobel sera toujours ouverte au père Gervais, quand il lui plaira d'y venir fumer une pipe. Merci, docteur. » Alors, le vieux braconnier s'adressant à maître Thirion, « Monsieur l'avocat, si M. Duranton, le bon juge, vous demande où vous m'avez rencontré dans la nuit, vous lui direz que c'est au pied du calvaire. M. Duranton sait que les assassins n'aiment pas à revoir le lieu du crime qu'ils ont commis. M. Duranton verra qu'il ne s'est pas trompé en déclarant, lui, le juge d'instruction, que je ne pouvais avoir commis ce crime. Maintenant, au revoir, messieurs. » Le vieux braconnier alors souleva sa casquette de drap et, s'appuyant sur son bâton, s'enfonça dans le bois. La voiture se remit en marche. « Drôle de caractère, » fit le docteur. « Un honnête homme, un brave cœur, » et maître Thirion ajouta en riant. « Nous ne courons pas le risque de trouver ici, comme le braconnier, assis au pied du calvaire, le beau comte de Saint-Rion. » Après son acquittement, le père Gervais, emmené par les gardes-chasse, ne sachant encore où aller, que faire, ne connaissant pas ses forces, ne se doutant pas de ce qu'il pourrait accomplir, se laissa entraîner. Les gardes l'emmenèrent avec eux. Pendant quelques jours, Gervais demeura auprès des gardes, dans une réserve donnant sur les bois. Il vécut avec Martin et Lagoulé, partageant leur repas, les préparant quand les gardes étaient tournés, payant ainsi son écho, sa nourriture. Le père Gervais savait en effet tout faire. Il confectionnait des paniers avec des roseaux, faisait des cannes sculptées, aussi habilement qu'il réparait, qu'il fabriquait habilement des pièges à gibier. Il connaissait les simples, les herbes médicinales, il savait préparer des plats qui faisaient l'admiration des femmes des gardes et était un vrai régal pour tous. Le père Gervais fabriquait même des pâtes, de la pâtisserie, des gâteaux, des bonbons dont les enfants raffolaient. Il savait tout faire, ayant dû toute sa vie se servir lui-même et suffire à tout. Il avait appris tout cela durant sa jeunesse, quand il travaillait un peu partout, un peu à tout. Et maintenant que le braconnage lui était impossible, il devait mettre à profit cette habileté. Il n'était pas fâché d'essayer chez les gardes sans savoir, de se rendre compte si sa mémoire, son adresse, ne lui faisait pas trop défaut. Les gardes lui disaient souvent, « Père Gervais, pourquoi vous inquiétez de tout cela? Vous n'avez qu'à vivre avec nous, allez dans la forêt faire ce que vous voudrez. Vous savez bien, maintenant que nous sommes amis et que les bois de monsieur le baron sont comme s'ils étaient à vous. » Le vieux braconnier remercia les gardes. Il secoua la tête comme pour dire que c'était impossible. Certes, sa vie dans ces bois où il avait tant couru eût été heureuse, mais il était braconnier dans l'âme. Il pouvait devenir l'ami des gardes, mais alors il devait cesser d'être braconnier. Et ne pas braconner n'était pas vivre. C'était un point d'honneur spécial, il ne voulait pas y faillir. Quand il se sentit un peu plus solide sur ses jambes, qu'il put marcher, en ne cédant que d'une grosse canne, le père Gervais dit au revoir aux gardes et s'en alla. Il s'en alla droit devant lui, par les chemins, et quitta le pays. Cependant, trop de souvenirs attachaient le père Gervais à ces bois où presque toute sa vie s'était écoulée. Il y revenait toujours. Il avait souffert là, il y avait été heureux. Tous les sentiers, il les connaissait. Les arbres étaient ses amis. Et plusieurs fois, au cours de leur tournée, les gardes Martin et Lagoulet rencontraient le père Gervais assis sur le bord d'un chemin et fumant sa pipe tout en regardant passer les nuages à travers les feuilles. Il venait revivre là un peu de sa vie d'autrefois. Il venait vivre avec ses arbres, ses sentiers, ses fougères, avec la nature qu'il aimait tant. Les gardes emmenaient le braconnier déjeuner chez eux, puis, après le verre d'eau-de-vie, après la pipe d'amitié, le père Gervais de nouveau repartait en boitant, s'en allait sur le chemin de l'inconnu, disant passant au revoir aux arbres, au coin de terrain, où il laissait un souvenir. Les gardes, quand le jeune avocat les rencontrait, en chassant, lui annonçaient la visite du braconnier, qu'il ne parvenait pas à voir comme il le souhaitait. Ce fut donc avec plaisir que ce soir-là, maître Thirion rencontra son singulier client au pied du calvaire. Quand, le lendemain, maître Thirion, qui était descendu chez son cousin, apprit à M. Duranton la rencontre de la nuit, le magistrat déclara « Je suis heureux de cela, car la rencontre en cet endroit de cet homme que tout accusait me montre que vraiment il est innocent et me donne une fois de plus la preuve que lorsqu'un magistrat connaissant son devoir s'appuie sur le code et interprète la loi avec son cœur d'homme, il ne peut commettre cette chose odieuse, quelle erreur judiciaire. » Passant à un autre ordre d'idée, le bon Duranton dit à son cousin « Donc tu vas être le cicérone de Madame Madeleine à Paris. Ces jours-ci, je suis autant que toi, curieux de connaître le résultat de ce voyage, de savoir l'impression que produira sur son cerveau le mouvement de la capitale. »